Donc le devoir de chaque musulman, c'est d'être en garde contre shirk, avec toutes ses catégories, et notamment shirk al-akbar, quelque chose qui n'est jamais pardonné après la mort et qui est la cause de l'éternité dans le feu de l'enfer. Comment ne pas être en garde contre cela? Et cette peur de shirk doit être plus grande que la peur de tomber dans tout autre péché. Tu dois avoir peur et avoir la crainte de tomber dans shirk plus que ta peur et ta crainte de tomber dans n'importe quel autre péché. Et cette crainte et cette peur, quand elle est vraie, elle va faire que tu vas faire les causes pour t'en éloigner et t'en préserver. Notamment la demande de science, parmi les plus grandes causes pour te préserver de shirk, c'est la demande de science, de connaître ce que c'est tawhid et ce que c'est shirk, afin de ne pas tomber dedans.